L'actualité à Nancy et ailleurs. Laure Vaquier, bonjour. Bonjour Monsieur Antoine. Vous êtes responsable pour la promo 16-18, un programme innovant pour remobiliser les jeunes en situation de décrochage scolaire. Dites-nous en quelques mots en quoi va consister ce programme. Ce programme, donc promo 16-18, c'est avant tout une mission nationale de service public qui intervient donc entre les missions locales et l'AFPA, et qui s'inscrit dans le cadre du plan de relance pour la jeunesse, Un jeune, une solution. Ça couvre bien évidemment l'obligation de formation donc des jeunes âgés de 16 à 18 ans, des décrocheurs scolaires, et le but c'est justement d'accompagner ces jeunes et de travailler donc avec une équipe pluridisciplinaire autour de leurs projets professionnels. Donc on parle concrètement de projets d'avenir, donc on est dans le pratique, dans le technique. Vous êtes responsable pour cette promo 16-18, quel est votre rôle plus précisément ? Moi, je pilote le dispositif, donc je coordonne les équipes, notamment et les partenaires, donc les partenaires locaux, les partenaires territoriaux, puisque la particularité de ce dispositif, c'est justement d'être nourri par l'intervention de nos partenaires, donc des partenaires en matière de santé, en matière de droit, de chantier solidaire, je pense notamment à la SPA, je pense au planning familial. Tous ces intervenants sont choisis par les jeunes. Voilà, en début de semaine, on travaille donc avec les équipes, les formateurs et les conseillers en insertion professionnelle qui composent cette équipe, pour finalement rendre le jeune acteur de son parcours, puisque c'est eux qui décident de faire intervenir tel ou tel professionnel suivant leur centre d'intérêt et suivant le projet professionnel qu'ils ont choisi. Au niveau local, donc, cela concerne combien de jeunes ? Au niveau local, en tout cas sur Nancy, on a un peu plus de 300 jeunes à accompagner. Quel rôle va avoir l'AFPA dans ce programme ? On est centre de formation pour adultes et je pense que justement notre atout se situe là, puisque les jeunes évoluent dans un milieu professionnel et dans un milieu donc d'adultes, donc ça les responsabilise. On a la chance d'offrir des plateaux techniques, donc nous on est centre de formation professionnelle, donc on accueille tous les secteurs d'activité, donc du bâtiment au tertiaire en passant par l'industrie. Et donc certains jeunes, si leur projet leur permettent, en tout cas ils peuvent aller en immersion sur les plateaux techniques pendant quelques jours pour justement confronter leurs idées aux réalités du métier et pratiquer le métier qu'ils souhaitent. C'est pas limité en nombre, hein, ils peuvent tout à fait faire une immersion de jour en tant que secrétaire assistant ou alors plutôt s'orienter en tant qu'électricien de maintenance des systèmes automatisés. Voilà, c'est très large. Comment vous allez les repérer, ces jeunes ? Alors, donc nous, on travaille avec plusieurs partenaires, notamment les missions locales, à savoir que la mission locale est prescripteur. Donc finalement, si aujourd'hui un jeune est intéressé par le dispositif, il a deux solutions. Donc il peut directement contacter l'AFPA et à ce moment-là, nous, on coordonne et on se réfère à la mission locale, on le rattache à la mission locale. Ou alors, il peut se rendre directement à la mission locale où l'on propose des informations collectives toutes les 3 semaines, généralement le mercredi d'avant l'intégration sur le dispositif au centre AFPA. C'est un accompagnement sur combien de temps à peu près ? Le parcours promo 16-18 dure 13 semaines et il est composé de 4 phases. Donc la phase d'engagement, d'initiation, de construction et de préparation. La particularité de ce dispositif, c'est que pendant la phase de construction, on a privilégié une période de mise en situation en milieu professionnel, donc un stage de 3 semaines, pour que le jeune puisse justement essayer le métier qu'il a choisi, donc dans une entreprise. Donc ça peut être une entreprise qu'il a démarché lui-même. Bien évidemment, il est accompagné par les équipes ou alors grâce à nos partenaires qu'on a en interne. Le dispositif 16-18, quel est son objectif au final et au bout des 13 semaines, qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes ? Au bout des 13 semaines, on sera en capacité pour les jeunes de leur proposer une formation qualifiante ou alors d'intégrer plutôt un CAP, un VEP et pour certains peut-être même un retour à l'emploi ou un service civique. Pour les jeunes qui n'auraient pas forcément de solution à la sortie, comment ça peut se passer pour eux ? Pour les jeunes qui n'auraient pas de solution définitive au terme des 13 semaines, l'AFPA propose un accompagnement sur une durée de 6 mois après la fin du parcours, en collaboration toujours avec la mission locale. Donc aucun jeune ne se trouvera sans solution au terme de ces 6 mois. Donc des jeunes qui sont actuellement scolarisés, qui sont en échec scolaire, peuvent d'ores et déjà prendre contact avec leur mission locale pour rejoindre ce dispositif sans attendre la fin d'année scolaire. Il faut faut être officiellement déscolarisé pour pouvoir rejoindre ce dispositif. Maintenant, si le jeune se sent en décrochage, se sent dans l'incapacité de poursuivre son parcours dans un cadre plutôt classique, alors il peut se rapprocher de la mission locale, il peut participer à une information collective, puisqu'elles ont lieu notamment le mercredi après-midi, donc ce qui laisse une certaine liberté pour le jeune, et il peut venir prendre des informations, effectivement. Les retours sont très bons, les jeunes apprécient finalement le dispositif dans la mesure où il est professionnalisant, il est responsabilisant aussi, et qu'on les considère comme des adultes qui sont immédiatement immergés dans le monde du travail, et dès lors qu'on parle pratique, qu'on parle concret, alors ils accrochent. Voilà, je pense que les jeunes sont les mieux placés pour en parler. Si je reprends leurs mots, c'est « venez, rejoignez-nous ». Merci à Laure Vaquier, responsable de la promo 16-18 pour l'AFPA. Retrouvez cet entretien en podcast et toutes les infos pratiques sur notre site www.fadjet.net. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.